Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, une histoire emblématique d'un malaise persistant, celui des violences policières. Cette histoire, c'est celle d'Adnan Nassir, un garçon de 19 ans, un peu chahuté par la vie et dont la trajectoire va basculer un soir de février 2020. Alors que des échauffourées entre jeunes et policiers éclatent dans la cité où il est venu retrouver des amis, un tir de flashball lui crève un œil. Le garçon que tout pouvait accuser, son passé notamment, est pourtant la victime de ce qu'on appelle une bavure policière. Et il s'en est fallu de peu pour qu'elle passe inaperçue. Sauf qu'une bande vidéo était là pour rétablir la vérité. Grâce également aux révélations du journal Libération, vous découvrirez comment, au sein de la police nationale, la hiérarchie a tenté par tous les moyens de venir en aide à son agent mis en cause. Cette question des violences policières et au-delà du cas Nassir, nous l'aborderons avec notre invité aujourd'hui, Mathieu Zagrodzki, chercheur associé au CESDIP, le Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Marjolaine Corr, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Bande de février 2020. La nuit est tombée sur le quartier des Hautes-Mardelles, à Brunois, une zone réputée sensible du Val-de-Marne. Dans les rues, une certaine tension se fait sentir. Comme souvent, les samedis soirs, en hiver, des jeunes se sont installés dans un hall d'immeuble pour glaner un peu de chaleur. Ils rient, se bousculent, crient. Le bruit agace les habitants. Alors l'un d'eux, excédé, finit par appeler la police et la police secours. Ras-le-bol du vacarme. Lorsque la police débarque, vers 22h, le contrôle dans les parties communes de l'immeuble dégénère. Le ton monte, les jeunes s'enfuient, laissent derrière eux une chicha et un passe-navigo. Les policiers les ramassent. Mais très vite, les jeunes remontent au créneau. Ils veulent récupérer leurs affaires. Mais la police refuse. Les jeunes sont en colère, mais pour l'heure, tout est encore sous contrôle. Ce n'est rien de plus que quelques adolescents et jeunes adultes face à quelques membres des forces de l'ordre. Mais la situation va déraper lorsque ce groupe de policiers décide d'appeler des renforts au lieu de rendre les affaires. D'un côté, des jeunes en colère, de l'autre, une police chauffée à blanc. Et quelque part, un jeune homme, Adnan Nassir. C'est son histoire que nous allons vous raconter. L'histoire tristement banal d'un garçon qui s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Après l'altercation dans le hall, le silence retombe sur le quartier. La tension est redescendue d'un cran. Mais les renforts débarquent malgré tout et de petits groupes de policiers de la BAC se positionnent dans le quartier. Il est 23h, Adnan Nassir sait juste par un jeune qui passait par là qu'il y a eu une intervention de police dans l'un des halls d'immeubles. Le garçon de 19 ans, qui vit à une quinzaine de kilomètres de là, est venu voir des amis. Ils se sont installés sur la dalle, près des commerces et d'un parking. Ils discutent sans se douter du drame qui les attend, là, au coin de la rue. Il est 23h17. Adnan fait quelques pas pour observer la situation. Il arrive à l'angle d'un bâtiment et là, soudain, il se retrouve face à quatre policiers de la BAC cachés dans l'angle du bâtiment. Il se confie au journaliste de Libération Ismaël Alissa, qui enquête sur l'affaire. Et moi, je suis là, je suis au restaurant. Et en fait, à ce moment-là, où je suis en train de descendre, je me retourne, je dis à mes potes, ouais, ils sont descendus. Là, je les vois, je m'arrête. Je me retourne, et tac, je me mange la balle. Au moment où j'allais partir là-bas, je me fais tirer dessus. Et là, je cours, et je tape dans les voitures en mode de emmenez-moi à l'hôpital. Là, je suis en train de dire à la Audi, là, emmenez-moi à l'hôpital. Et là, ils sont en train de faire une sécurité autour de moi pour m'emmener là-bas. Ils m'ont dit que j'ai plus d'œil, qu'ils t'ont explosé ton nez. Quelques secondes fatales. Sur le parking, l'arrivée soudaine d'Adnan Nasir, la tête en sang et se tenant le visage, poursuivi par des policiers armes tendues, provoque un raz-de-marée. Des projectiles sont lancés, la BAC réplique, les renforts arrivent de tous côtés, chez les jeunes et chez les policiers. Les échauffourées commencent, les gaz lacrymogènes rendent l'air irrespirable. Parmi les habitants qui étaient sur le parking, certains ont compris que l'état d'Adnan était grave. L'un d'eux parvient à le hisser dans sa voiture et à quitter les lieux pour le conduire à l'hôpital Claude Gallien de Quincy-sous-Sénart. Non sans mal, le conducteur lui-même est en larmes à cause des gaz lacrymogènes. Adnan, lui, perd connaissance en route. Le pronostic vital est engagé, le plancher orbital a été fracturé, une brèche laisse passer de l'air jusqu'au cerveau. Dans la nuit, le jeune homme est finalement transporté à l'hôpital Rothschild à Paris pour être opéré par un neurochirurgien. Adnan Nasir est sauvé, mais son œil est définitivement perdu. Il repart avec un certificat de 120 jours d'incapacité totale de travail. Sa vie est désormais bouleversée. Dans la cité, l'événement a mis le feu aux poudres. Les jeunes qui ont assisté à la scène se sont rebellés une bonne partie de la nuit. Les échauffourées sont devenues émeutes. Dans les journaux le lendemain, les événements seront relatés, mais l'histoire semblera un peu réécrite. D'après les premiers journalistes à se pencher sur l'affaire, qui prennent leur source auprès des forces de l'ordre, des émeutes auraient éclaté dès le contrôle dans le hall d'immeuble. On parle même de barricades installées rue de Cercé, la rue principale, comme pour justifier l'intervention de renforts. En réalité, les émeutes ont bien été déclenchées par le tir qui a blessé Adnan Nasir après, pas avant. La nuit même de l'accident, celui qui est à l'origine de cette escalade de la violence, l'auteur du tir de LBD, le policier Yann T., dépose une plainte. Le policier de la brigade anticriminalité donne sa version dans sa déclaration. Je lui ai sommé de s'immobiliser en indiquant ma qualité et en le tenant en respect avec mon lanceur de balles de défense. Je l'ai soudain vu faire un mouvement brusque et étrange au niveau de sa poitrine, puis il a violemment lancé dans ma direction un objet dont je ne saurais être en mesure d'identifier la nature. Au moment même où l'individu a armé son geste, j'ai dû, pour ma sécurité, ainsi que pour celle de mes collègues, faire usage à une reprise de mon lanceur de balles de défense. La munition est venue percuter l'individu qui s'est retourné et a pris la fuite. Autrement dit, légitime défense. Argument dégainé quasi systématiquement par la police dans ce genre d'affaires. Adnan Nasir a-t-il eu un comportement agressif? Question habituelle dans ce genre d'affaires. Parole contre parole en quelque sorte. Mais elles n'ont pas le même poids, on le sait. Le lendemain, dans les journaux, des articles sont consacrés aux échauffourées de la nuit. Construite dans les années 60, la cité HLM des Hautes-Mardelles fait régulièrement parler d'elle. Mais ce n'est pas non plus ce qu'on appelle une cité chaude, de banlieue, ou quartier sensible, ou difficile à vrai dire. On a du mal à mettre des mots sur un urbanisme erratique, comme un constat d'échec. En 2015 déjà, dans les pages du Parisien, un policier disait du quartier « Vous savez ce qui embête les gens? Ce sont les jeunes qui squattent les halls d'immeubles, parce qu'il y a très peu d'atteintes aux personnes finalement, et aucune activité de raquette. » Cette fois pourtant, le maire instaure un couvre-feu pour les mineurs. L'accident d'Adnan Nasir est aussi évoqué, mais dans des termes peu amènes. Le jeune homme au casier judiciaire bien nourri, comme le précise le Parisien, est certes grièvement blessé. Mais on en parle surtout pour pointer le fait qu'il s'est enfui de l'hôpital, comme l'écrit le Figaro. Ce qui est faux. Car la réalité, c'est que l'hôpital a accepté de le laisser sortir à condition qu'il revienne passer un scanner le lendemain. Autrement dit, et selon certains journaux, la victime n'était pas si innocente. Il faudra attendre quelques jours et le témoignage du jeune homme, à nouveau dans le Parisien, pour prendre conscience que l'on est certainement face à une bavure policière et au réveil amer pour le jeune homme, victime collatérale d'une bataille à laquelle il n'avait pas pris part. Dans la foulée des émeutes, une enquête de la police des polices, l'IGPN, est ouverte. Yann T., le policier, est placé en garde à vue 5 jours après les faits. mais il maintient sa version. Version dans laquelle il indique avoir visé la poitrine pour se protéger d'un projectile alors que le jeune homme était à environ 10 mètres de lui. Ce récit aurait pu lui permettre d'éviter des poursuites si rien n'était venu le contredire. Malheureusement pour lui, et heureusement pour Adnan Nassir, les caméras de vidéosurveillance ont enregistré toute la scène. Auxiliaire de police, la caméra devient à charge contre la police. Quelques semaines plus tard, en partenariat avec l'agence d'expertise Index, le journal Libération reconstitue la scène. Une vidéo de modélisation 3D réalisée à partir des captures de vidéosurveillance auxquelles ont eu accès les journalistes. Et ce qu'on y voit est aux antipodes du récit du policier. Et la version de Yann T. s'écroule. Voici le moment où Adnan Nassi apparaît dans le champ de vision de Yann T. Le policier le somme alors de s'arrêter. Depuis sa position, rien n'obstrue la vision de Yann T. Adnan Nassi ne tient aucun projectile dans ses mains et ne fait aucun geste en direction des policiers. Au moment où l'agent fait un pas vers Adnan Nassi, ce dernier amorce son demi-tour. Il tourne ensuite le dos au policier pour s'enfuir, alors que Yann T et ses collègues commencent à courir derrière lui. Il a le temps de faire trois foulées avant que Yann T ne lui tire dessus avec son LBD. Mesuré sur le modèle 3D, la distance de tir est de 7,29 mètres. Entendu par l'inspection générale de la police nationale, l'agent est interrogé sur l'endroit où son tir a touché le jeune homme. Il répond. Pour moi, dans le buste. De leur côté, les collègues de Yann T affirment ne pas avoir vu le tir. Pourtant, l'un d'eux était situé juste derrière l'agent de la BAC et avait une vision directe de la scène. Rembobinons la bande témoin de la caméra et donc la réalité. Adnan Nassir s'avance d'un pas calme, les bras le long du corps. Lorsqu'il découvre les policiers dans le recoin, il s'arrête. Le policier, lui, est déjà en position de tir avec son LBD et il s'avance vers le jeune homme. Adnan fait demi-tour, puis court dans la direction opposée, mais le tir le touche au visage, le déséquilibre un peu. Il parvient tout de même à continuer sa course. Il rejoint ses amis près du parking, poursuivi par les policiers. L'état du garçon, le sang sur son visage, provoque une révolte et immédiatement des projectiles fusent. Deux grenades lacrymogènes sont lancées. Adnan Nassir est installé dans une voiture. La suite, on la connaît. Devant les enquêteurs de l'IGPN, Yann T ne semble pas décontenancé par la vidéo. Non, il maintient, arguant qu'il partage ce qu'il a vécu et ressenti sur l'instant T. Je le cite. Puis il ajoute, un peu plus tard, qu'il faisait très sombre. Un argument écarté par la police scientifique, qui précise dans son rapport qu'au contraire, la visibilité est plutôt bonne à cet endroit sur la dalle. Quant aux policiers présents sur les lieux avec Yann T, tous affirment n'avoir rien vu. Le malaise est palpable, et pour cause. Le policier n'aurait jamais dû utiliser son LBD dans de telles conditions. Car les règles d'utilisation des lanceurs de balles directes sont très strictes. Dans sa notice, le ministère de l'Intérieur précise que l'arme ne peut être utilisée qu'en cas de violence commise à l'encontre des forces de l'ordre. La même notice précise également que l'arme peut occasionner des lésions graves à moins de 7 mètres et que les zones préférentielles de visée sont le torse, les membres supérieurs et les membres inférieurs. En aucun cas, la tête ne doit être visée. Pourvu de viseurs spécifiques qui permettent à celui qui les tient de garder les deux yeux ouverts, les LBD sont réputés justement pour la précision de leur tir. D'où cette question fâcheuse pour le policier. La tête d'Adnan était-elle expressément visée ? Cette question, de nombreuses victimes des tirs de LBD se la sont posées. Les dérapages dans les banlieues, comme dans les manifestations, s'accumulent depuis quelque temps. L'année 2019 s'est écoulée sous le signe des gilets jaunes. Tous les week-ends, des manifestants ont été blessés dans les grandes villes de France ou à Paris, ce qui a fait réagir les médecins. le 6 février 2019. 35 ophtalmologues demandent un moratoire sur les balles de défense. Le LBD est un véritable danger pour les yeux. Les ophtalmologues expliquent dans leur courrier que la taille des balles en caoutchouc ne laisse aucune chance en cas de blessure. Lorsque l'une d'elles frappe à cet endroit, elle provoque un mécanisme de compression qui fait reculer l'œil dans l'orbite. Il s'écrase alors contre la paroi osseuse. À Besançon, le professeur Bernard Delbosque, chef de service, fait partie des 35 médecins qui ont écrit à Emmanuel Macron et à la ministre de la Santé. C'est cette importance des dégâts et du nombre de lésions qui nous ont fait réagir en tant que médecins spécialistes dont l'objectif est habituellement de préserver la vue et aussi en tant que citoyens. Suite à une enquête lancée par ces professionnels hospitaliers, ont été comptabilisés 18 cas de traumatisme oculaire grave. Les blessés ont 90% de risque de perdre l'usage de leur œil. Les conséquences sont très importantes, franchement très importantes sur la personne elle-même, sur sa vision, sur son activité sociale, sur son activité professionnelle. Donc, si ce type d'engin a des conséquences telles, on ne peut pas ne pas réfléchir à son utilisation et à la manière de s'en servir. Sur son site Allo Place Beauvau, le journaliste David Dufresne recense les blessés des manifestations depuis le début du mouvement des Gilets jaunes en novembre 2018. Cet été, il dénombrait 353 blessures à la tête, 36 éborgnées et 6 mains arrachées. Alors, faut-il remettre en cause les méthodes policières et surtout l'usage du LBD? Sur France 2, dans le journal de 20h, un reportage avec le sociologue Patrick Brunetot essayait de répondre à la question. Auparavant, les policiers pouvaient être violents parce qu'ils pouvaient utiliser la matraque. On peut tuer avec une matraque. Mais dans l'ensemble, il n'y avait pas les outils que l'on connaît aujourd'hui. Ce sont des outils extrêmement violents qui sont apparus à la fin des années 90, début des années 2000. Avec les cités, avec le maintien de l'ordre dans les cités, on a mis à disposition de la police, par le gouvernement, on a mis à disposition des outils qui sont beaucoup plus violents qu'auparavant. Lorsqu'Adnan Nassir est frappé par le tir de flashball, les règles d'utilisation n'ont pas encore été modifiées. En septembre 2020, Gérald Darmanin annoncera de nouvelles mesures, plus strictes quant à l'utilisation du LBD. Et quand bien même, les règles déjà en vigueur et surtout le contexte dans lequel Adnan a perdu son œil n'aura jamais dû, en fonction de ces mêmes règles, conduire le policier à faire usage de son arme. En toute logique, à l'issue des interrogatoires, le 28 février 2000, Yann T. est mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation, une infraction criminelle passible de la cour d'assises. Voilà, cette histoire aurait pu en rester là. Mais un journaliste de Libération, Ismaël Alissat, va avoir accès au dossier d'instruction. Et ce qu'il va révéler dans les pages de son journal montre une institution policière prête à tout pour protéger les siens, même lorsqu'ils ont commis une faute grave. Just pass you by. boys, you're getting off the bus. Shadow shows no emotion, so what's even the fuss? But the face of your boy casts a darker picture of the red-handed act he's gonna whisper. Look, blood, I'm sorry, cause I know you got my back. He was running, I couldn't think I had to get out of that. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, cause you're the shook one. Hand you the tool as you question your friendship. Has men like you gonna make me a convict? Never, never felon when I've done nothing wrong. Blood on my hands, but I don't know where it's from. Oh, you got blood on your hands, but you don't know where it's from. You better run when you hear the sirens coming. When you hear the sirens coming, better run when you hear the sirens coming, cause they will be coming. When you hear the sirens coming, better run. When you hear the sirens coming, when you hear the sirens coming, the blue lights are coming for you. What have you done? There's no need to run. If you've done nothing wrong, blue lights should just pass you by. Faire sensible, Fabrice Drouel. Quelques semaines se sont écoulées depuis le tir. Les arbres bourgeonnent, les journées s'allongent et Adnan Nassir apprend à vivre autrement. Du côté de la police des polices, l'enquête suit son cours. Yann T., le policier, a été suspendu. Et en ce matin du jeudi 14 mai 2020, le quotidien Libération dévoile une vaste enquête sur deux pages dont la revue de presse de France Inter se fait l'écho. France Inter, le 7-9. Dans Libération, vous contemplez un jeune homme dont la vie a basculé dans la folie du monde, le trouvera bon un jour à nouveau, se demande une amie. Il s'appelle Adnan Nassi, il était ouvrier, il a des boucles épaisses, du poil follet sur les joues, et puis un œil fermé, perdu pour toujours. Depuis qu'en février 2020, à Brunoy, dans l'Essonne, un policier lui a tiré dessus avec un lanceur de balles de défense quand il se sauvait. Le policier a ensuite prétendu qu'Adnan lui avait lancé un projectile. C'était faux, ont démontré des images vidéo. Encore une brebis galeuse, ironise l'éditorial de Libération, qui publie surtout, c'est le plus troublant, des extraits d'écoute de conversations entre des gradés du commissariat. Ils s'inquiétaient, ces gradés, que pour certains de leurs hommes, tirer au LBD était devenu comme un jeu. Un jeu. Les mots font froid dans le dos. Car dans cette enquête parue dans Libération, le journaliste Maïl Alissa publie de longs échanges entre les policiers. Pour le besoin de l'instruction, les membres de la brigade présents le soir du tir ont été placés sur écoute. Le journaliste dévoile alors des méthodes et des propos alarmants. Les policiers surnomment les habitants des quartiers des bâtards. Et leurs échanges sur les tirs de LBD sont sans équivoque. C'est la retranscription de cette bande que vous allez entendre. Ce ne sont pas les vraies voix, mais ce sont les vrais mots. Tu sais, les collègues, ils râlent par rapport à Yann. Ils créent l'injustice. Mais le fait de tirer au LBD 40, là, de prendre ça pour un jeu dès qu'il y a des bâtards, bah quelque part, ils ont peut-être inconsciemment influencé Yann. Bien sûr, ouais, c'est un jeu pour eux de toute façon. Et puis tu connais un petit peu Yann. Peut-être en se disant, je vais pouvoir dire que j'en ai cartonné un. Enfin moi, je vais en reparler un petit peu. Je vais dire, par contre les mecs, c'est devenu un jeu de Counter-Strike là, hein. Mais c'est pas un jeu en fait, hein. Bah non, la preuve. Maintenant il y a des caméras partout. On peut plus jouer quoi, c'est terminé. Pouvoir dire qu'on en a cartonné un, parler de jeu, parole terrible, dans un état de droit, parole gravissime, immense malaise. Alors pour faire toute la lumière sur cette affaire, les magistrats ont à la fois placé certains policiers sur écoute, mais ils ont également surveillé leur application de messagerie WhatsApp, où ils communiquent beaucoup entre eux. Ces échanges permettent de retracer comment la défense de Yann T. et même sa protection s'est mise en place après l'ouverture de l'enquête. Tout commence par des échanges entre ces deux supérieurs hiérarchiques, Grégory B. et Thomas B., qui comprennent que la caméra va contredire la déclaration de leur agent. Alors, ils échangent sur les conseils à apporter à Yann pour qu'il parvienne à se tirer d'affaire en arrangeant un peu la vérité. Écoutons un nouvel extrait de leurs échanges téléphoniques quand les policiers se font avocat corpo. Alors, je lui ai conseillé que si une vidéo qu'on lui montre venait contredire sa version initiale, de dire qu'avec les projectiles reçus, le lacrymogène, la tension palpable et les mecs en face, il avait vu tout autre chose. Il constate qu'il s'est trompé, mais qu'il est très surpris, qu'il n'avait pas vu ça à l'instant T. C'est sûr que c'est mieux de dire la vérité, au moins à l'équipage s'il a bidouillé. Après, on s'arrange une vérité, mais on ne se ment pas entre nous. Comme quand on fait une mexicaine, il faut être tous d'accord. Une mexicaine en argot policier, c'est une action pour laquelle il faut trouver un cadre légal a posteriori pour la justifier, quitte à mentir. Les échanges téléphoniques montrent ensuite que dès le 27 février, avant même que Yann T. soit placé en garde à vue, ses supérieurs avaient déjà pris connaissance du contenu de la bande vidéo, illégalement. Quant à ses collègues, les discussions vont bon train sur le groupe WhatsApp qui réunit une trentaine d'agents. À coups de blagues de mauvais goût, comme lorsqu'il lance à Yann « On garde un œil sur toi », et il montre alors une totale désinvolture vis-à-vis de la victime, qui confine à la cruauté. Parce que le jeune homme a quand même perdu un œil, une grave mutilation, à vie, un handicap majeur. En revanche, ces mêmes policiers s'inquiètent pour leurs collègues, comme le montre cet échange WhatsApp. À prendre sous réserve, il serait présenté demain en vue d'une mise en examen. C'est abusé. On devrait tous se mettre en congé maladie pour leur faire le cul. Exactement. Faudrait ouvrir une cagnotte aussi pour qu'ils puissent prendre un bon avocat. Cette cagnotte a bel et bien été ouverte sur la plateforme Litchi avec l'écusson de l'unité et un petit texte qui appelle à la solidarité avec l'agent de police concerné par la procédure. Et cette solidarité ne se joue pas qu'entre collègues, non, même au plus haut niveau de la hiérarchie, on semble se préoccuper de la situation de Yann T. Selon les échanges retranscrits par Libération, le directeur départemental de la sécurité publique, Thierry Ferré, est lui-même à l'origine de cette proposition de cagnotte. Oui, pour aider un policier suspecté d'avoir mutilé un jeune homme de 19 ans, un jeune homme qui ne présentait aucun danger. Et ce n'est pas le seul acte tendant à prouver un positionnement de la hiérarchie en faveur de Yann T. Précisons que la mise en examen du policier permet à la magistrate en charge de l'affaire d'ordonner une interdiction d'exercer la profession dans l'attente du procès. Suspendu, quoi. Eh bien, pour éviter cela, Thierry Ferré va se fendre d'un courrier à la juge pour lui proposer une alternative. Au regard de son parcours professionnel, le brigadier est employable immédiatement sur des fonctions hors voie publique, sans armes, indique-t-il. Ce courrier est accompagné d'une autre lettre signée du commissaire Patrick Visser-Bourdon qui lui vante les qualités de Yann T., un membre actif et consciencieux de son unité, affirme-t-il. Mais la juge ne cède pas. Elle ordonne l'interdiction d'exercer la profession de policier. Théoriquement, le brigadier ne peut plus toucher son salaire de fonctionnaire. Mais en interne, une petite parade est trouvée. La hiérarchie fait le choix de le suspendre administrativement dans le seul but de continuer à lui verser sa rémunération malgré son contrôle judiciaire. C'est une mesure provisoire prévue par le droit de la fonction publique. Elle permet d'écarter un agent le temps de mener une enquête tout en maintenant son salaire. Mais décidément trop bavard au téléphone, Yann T. révèle à une amie que cette décision a été directement prise par Frédéric Vaux, directeur général de la police nationale. Comme ça, c'est complet. Ils t'ont pas mis dans un service administratif, rien du tout ? Ah non. Interdiction d'exercer des armées. Point. Terminé. Donc on a trouvé une petite parade avec mon directeur départemental et mon directeur général. Judiciairement, j'ai pas le droit d'exercer, mais administrativement, ils m'ont suspendu. Comme ça, je touche quand même un petit salaire. Je vais être à 1600, 1700 euros, c'est mieux que rien. Je les remercie déjà d'avoir fait un petit pied de nez comme ça. Cerise sur le gâteau, l'enquête révèle également une intervention directe de la hiérarchie intermédiaire pour faire modifier le dossier administratif de Yann T. en sa faveur. Chaque année en effet, et comme dans beaucoup de professions, les agents sont évalués par une note et un commentaire après un entretien professionnel. Noté 4 sur 7 en 2018, puis 5 sur 7 en 2019, Yann T. est noté 6 sur 7 en 2020. Une note attribuée en avril, soit presque 2 mois après les faits qui lui valent des poursuites. Et une précision a été ajoutée en commentaire. Yann a toujours conservé à l'esprit l'esprit d'agir en toute sécurité, en respectant la déontologie nécessaire, écrit le commandant en charge de cette notation. Mais là encore, des échanges téléphoniques entre Bérangère M, la chef de tous les effectifs de cette brigade, et un collègue dévoilent les petits arrangements opérés sur le dossier de Yann T. On a dû faire modifier sa notation, hein, parce que c'est pas ça qu'il avait mis au début. Il avait mis quoi ? Ah bah au début c'était impulsif, ça a gueulé, hein. Ah ouais ? Ah bah la notation, le patron il l'a attrapé, il l'a lu, il l'a jeté sur le bureau de Jean. Ah bah ça j'étais pas au courant. Ah si si, parce que moi j'ai vu la gueule de la première notation, je faisais des bons plafonds quoi. Devant les enquêteurs pourtant, Bérangère M perd un peu la mémoire. Elle ne sait plus vraiment qui a fait modifier quoi. De son côté, le commandant Jean D, à qui les enquêteurs demandent confirmation de la scène, assure que sa collègue affabule. Ambiance. Les coulisses révélées par l'enquête du journaliste Ismaël Rissa posent de nombreuses questions. La première d'entre elles, jusqu'où la hiérarchie policière est-elle prête à aller pour protéger l'un des siens quand il commet un faux pas ? En juillet dernier, le rapport annuel de l'IGPN, la police des polices, notait une augmentation du nombre de plaintes des Français vis-à-vis du Bleu Marine. En 2020, malgré le confinement, 5420 signalements ont été déposés auprès de l'IGPN. C'est 13% de plus par rapport à 2019. Mais si l'IGPN est saisi de plus en plus souvent, n'est-ce pas aussi que l'on tolère moins la violence de la police qu'auparavant ? On peut le voir comme ça. Mais dans le même temps, le nombre de mesures disciplinaires dans la police a atteint un niveau historiquement bas. Les mesures disciplinaires pour violence ont fondu selon des données internes de l'administration que s'est procuré le journal Libération. En 2009, on comptait 2,32 sanctions pour 100 policiers, c'est une moyenne. En 2020, ce chiffre est tombé à 1,24. Alors, la police est-elle plus violente ? Moins sanctionnée lorsque l'un de ses agents commet une faute grave. La violence est-elle moins supportée depuis qu'elle est filmée de toutes parts dans les manifestations et les émeutes urbaines ? Que de questions d'une actualité brûlante. À ce jour, dans l'affaire Adnan Nassi, l'enquête poursuit son cours, l'affaire n'a pas été encore jugée. Et pendant ce temps, la victime attend. À 20 ans maintenant, celui qui s'était engagé dans une carrière d'ouvrier du bâtiment sans grande conviction cherche sa voie. Parce que un quart de seconde aura suffi à le sortir de sa jeunesse et le projeter dans le cercle vicieux des questions sans réponse. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Le bruit de la pluie sur le bitume en panne, mes essuie-glaces, mon pare-brise pleure, mon humeur durcit la glace. Ceux qui disent le temps c'est de l'argent sont dans l'erreur. Si on met les zéros de côté, pas les heures. Je commande un café avant le texte pondu. Demande mon dû, car j'ai posé avant que le sucre ait fondu. Souvent en avance où le temps m'importe, mon pote. Si tu ne peux être à l'heure, faut que tu te téléportes. Quand on se rate, y'a pas de prochainement. La vie est courte et la mort a tout le temps. Né le matin, majeur à midi, vieux des 20h. L'histoire oublie les héros, pas les vainqueurs. 365 jours puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. Celui qui écoute, peu importe ce qu'on dit, le temps révèle tout. Le temps fait du bien à l'amour, contrairement à ce qu'on pense. Les regrets, c'est quand on se gourre concrètement. Le mauvais temps n'est pas le froid ou le gris. C'est ce qu'on s'était juré, qu'à force on oublie quand j'arrive pas à écrire. Le mauvais temps, celui qui te ronge, la migraine quand tu t'interroges. Les rêves s'éloignent, tu cours à leur poursuite. En vieillissant, de moins en moins ne plus me poursuivre. La durée de ma chanson est décroissante. Désolé, je ne sais compter que jusqu'à 60. 365 jours, plus 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. Chiffrer des lettres, des chutes et des litres, des chèques et des contrats. Tout ce que tu pourras et lorsque tu pourras plus, tout va ralentir. Signe que l'avenir devient repentir. Chaque marche passée, l'escalier s'effondre. Alors je saute en chantant chaque seconde. La vie est un beau train avec de sales wagons. Et la chance vagabonde, j'attends pas qu'on m'approuve. Je suis un grand de ce monde, compose avec la lumière en tant qu'homme de l'ombre. Puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. 365 jours, puis 700 le temps commence à compter, tu te questionnes. Vous écoutez Affaires Sensibles. Aujourd'hui, les violences policières dont nous allons parler avec notre invité Mathieu Zagrodzki. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous êtes chercheur associé au CESDIP, le Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales. Un mot sur le CESDIP, d'abord, sa mission. Alors, c'est un laboratoire de recherche qui est placé sous l'égide du CNRS et de l'Université de Versailles-Saint-Quentin et qui travaille sur les questions de sécurité, police, justice. Voilà. D'accord. Vous êtes politologue, finalement. Exactement. C'est-à-dire, j'ai un doctorat en sciences politiques et je travaille sur les politiques de sécurité en France et dans quelques autres pays. Bien, vous êtes donc complètement dans le sujet. Alors, il est évident qu'il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur une profession, surtout pas. Il s'agit de voir ça avec le plus d'objectivité possible. Hein. Pour une fois, on peut dire objectivité, c'est pas un leurre, c'est pas un fantasme, on peut y arriver. L'affaire Adnan Nassir met en exergue cette difficulté de la police à reconnaître ses erreurs. Est-ce que cet exemple vous paraît exceptionnel? Ou finalement assez emblématique de l'attitude de cette administration policière en cas de bavure? C'est une question importante parce que à un moment c'est mentionné dans votre récit, est-ce que ce sont des brebis galeuses ou est-ce que on a un problème à l'échelle du système? J'ai souvent tendance à répondre qu'on est un peu entre les deux, qu'on a Et puis, effectivement, il y a des problèmes à l'échelle du système, mais souvent, ce sont des problèmes à l'échelle de commissariat, de brigade, de service. Vous pouvez très bien avoir, dans un même commissariat ou dans une même direction départementale, des unités qui fonctionnent parfaitement, parce qu'elles sont bien encadrées, elles sont bien managées, parce que des processus, en fait, qui sont tout à fait, transparents et bien menés. Et à côté de ça, d'autres services, d'autres unités, où les choses, au contraire, se passent extrêmement mal. On ferme les yeux sur un certain nombre d'agissements, où la relation avec la population, puisque c'est de cela dont il s'agit, au final, est très mauvaise, parce que là encore, la chaîne hiérarchique ne fait pas le nécessaire. Et là, ce qu'on voit dans cette affaire, c'est au fond tout ce qui ne va pas dans la police, ou en tout cas dans certaines parties de la police, où vous avez des agents qui ont des comportements non déontologiques, voire en fait délinquants, voire même criminels, puisque c'est une incrimination criminelle qui est en cause ici, et une hiérarchie qui, de haut en bas, couvre, non seulement, ne ferme pas seulement les yeux, mais couvre activement. Et toute la question est de savoir pourquoi elle couvre et quelles sont les raisons. On peut en discuter, je pense qu'on en discutera, parce que c'est une partie essentielle de la culture policière, finalement. Oui, alors justement, on peut en parler dès maintenant. Le problème d'un policier, d'une bavure policière, la domination est vraiment très moche, hein, bavure policière, c'est comme ça. constitue peut-être l'un des problèmes les plus graves qui soient, car nous sommes en état de droit, dans un état de droit, et ça fonctionne avec la confiance que le citoyen peut accorder à sa police. Évidemment. En dictature, on a des polices corrompues. Bon, là, on a normalement des polices qui doivent être exemplaires. Il en reste pas moins que c'est un métier difficile également, mais est-ce que la violence policière en soi, comme l'erreur judiciaire d'ailleurs, apparaît aux citoyens comme le plus inacceptable en démocratie? Oui, bien entendu. En fait, la légitimité, puisque vous avez parlé de confiance et l'inconfiance, c'est l'un des ingrédients de la légitimité, c'est quelque chose d'absolument fondamental en démocratie. En fait, on obéit aux services publics et notamment aux institutions d'ordre parce qu'on les considère légitimes. On considère qu'elles ont une raison d'être et que par ailleurs, elles se comportent de manière juste. Et de manière légale. Et là, au final, encore une fois, comme vous le dites, l'image qui est donnée de la police, elle est terrible, puisqu'il y a un acte illégal, et derrière ça, il y a toute une machine en fait qui se met en place pour couvrir l'acte illégal. Et ce qui est totalement contraire, justement, au principe de transparence, au principe de confiance qui fonde la démocratie. Mais, bon, on a en fait quelque chose qui touche un élément que vous venez d'évoquer, c'est la difficulté du métier de policier. Il faut pas le nier, c'est un métier difficile, on est confronté à l'adversité, on prend des décisions qui sont impopulaires, on utilise la contrainte, et forcément, c'est pas quelque chose. On n'est pas sympathique, forcément. On n'est pas toujours sympathique. Voilà, on fait pas toujours des choses qui sont sympathiques, et les derniers mois et les dernières années ont mis les policiers dans des situations qui les rendent peu sympathiques. Notamment les gilets jaunes, par exemple. Ouais. J'allais parler de la crise sanitaire, les gilets jaunes, c'est un autre exemple. Oui. C'est comme le premier exemple où là, vraiment, il y a une tension dans la société française, mais qu'on voit à travers les relations, alors qui se dégradent entre la police et les manifestants. Et ça concourt à cette atmosphère de tension qu'on connaît depuis quelques années dans ce pays. Oui, complètement. Et quelque part, ça renforce ou ça durcit les positions de part et d'autre. Ça renforce l'idée que la police, au final, elle est aux mains d'un pouvoir qui ne comprend pas le peuple ou la population, peu importe comment on appelle ça, et qui est dans une démarche répressive et peu respectueuse, en fait, des droits des manifestants. De l'autre côté, cela renforce l'idée chez les policiers qu'ils ne sont pas aimés, la population est hostile, et ce qui, quelque part, alors ça n'excuse rien, mais ici on est là pour livrer des explications sociologiques, en tout cas c'est mon métier, ça aussi ça concourt en fait à cette loi du silence à laquelle on a assisté dans cette affaire, c'est que on fait un métier difficile, les gens ne comprennent pas, et quelqu'un qui fait une erreur dans notre équipe ou dans notre brigade, bah au fond, on peut le comprendre. Donc on fait corps. Ouais. On va pas lâcher quelqu'un parce qu'on aurait pu commettre la même erreur au fond. Et donc, ce cercle vicieux, il se perpétue maintenant depuis des années. Bah prof, c'est un métier très difficile aussi. Hein. Prof, c'est un métier très difficile. Oui. On prend des décisions pas populaires. On peut mettre des mauvaises notes. Donc on se couvre pas pour autant. Alors on se couvre pas pour autant. Alors évidemment. C'est-à-dire que l'argument. Ok, c'est peut-être l'argument mis en avant par les policiers eux-mêmes, mais il n'est pas satisfaisant. Évidemment qu'il n'est pas satisfaisant. Alors après, la solidarité professionnelle existe dans tous les corps. Oui, évidemment. Bien sûr. Alors, ça dépend de la gravité de la faute. C'est quelque chose qui est tout à fait, classique dans beaucoup de corps sociaux. Mais là, voilà, il y a une adversité physique notamment, et ce qui différencie la police de bien des métiers. Vous avez cité celui de prof, même si les profs malheureusement sont également soumis à des dangers physiques. Mmh. Mais c'est que la nature même en fait du métier policier, c'est d'être exposé au risque et c'est d'être exposé à l'imprévu. C'est ça, en fait, qui renforce cette solidarité. Bien sûr. Alors, il y a un autre problème, c'est le problème des armes de la police. Ce fameux LBD, utilisé en France, à l'étranger aussi, j'imagine. Il pose un problème, cette arme-là pose un vrai problème. Parce que c'est une arme qui, a priori, ne tue pas, mais qui peut blesser gravement, en fonction de la distance à laquelle on tire. Est-ce qu'il y a un problème LBD ? Oui, il y a un problème LBD, ne serait-ce que parce que pendant la crise des gilets jaunes, par exemple, il y a 25 personnes qui ont perdu l'usage de leur œil du fait de l'usage de cet instrument. L'un des problèmes du LBD, alors vous venez de le dire, c'est la question de la distance, c'est la question de la zone du corps qui est visée, parce que normalement on doit viser que le torse, sauf que dans certaines situations, alors encore une fois, la phase gilet jaune l'a bien montré, quand vous avez des mouvements de foule, des gens qui se déplacent, et ben c'est compliqué de viser de manière précise, puisque si une personne bouge, par essence, vous n'allez pas forcément atteindre la zone que vous avez visée. Et il y a un problème en fait avec la taille des munitions. C'est qu'en réalité, le diamètre de la munition correspond presque exactement à la taille en fait de l'orbite voilà exactement de l'orbite oculaire, ce qui occasionne ces blessures. Et là en fait on est encore une fois dans un conflit de récit, ou en tout cas dans un conflit de perception entre une partie de la population et la police. C'est que côté population, ou en tout cas du côté des associations qui sensibilisent, des gens qui sensibilisent sur les dangers, et notamment des ophtalmologues que vous avez cités dans votre récit, disent bon voilà c'est dangereux. Du côté de la police, on dit d'accord, mais nous on a besoin d'outils pour se protéger, pour maintenir les gens à distance, parce que l'argument est de dire si on nous enlève le LBD, bah il va nous rester que la matraque et l'arme à feu. Et oui, effectivement, le LBD ne tue pas. Et d'ailleurs, lors d'opérations de maintien de l'ordre aujourd'hui en France, on ne tue pratiquement plus. Entre 1945 et 1962, donc dans la quinzaine d'années qui suivent la Deuxième Guerre mondiale, vous avez peu ou prou 150 morts dans des opérations de maintien de l'ordre en France. Ouais. Depuis le début des années 60, on a une vingtaine de morts au total. Mais 68, il y a un mort, c'est un accident. Absolument, absolument. Donc on blesse plus, on tue moins, mais on blesse plus parce qu'on maintient distance. Bien, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Ivy Made of Gold. Me show them heroes, feel we are the younger, the hunger. Me show the heroes, feel. Ah, one more time. Me show them heroes, feel we are the younger and the hunger. Me show them heroes, feel we are the younger and the hunger. Holy water, crying like the altar, in and your desire, freedom from the Maya, Maya, fire, burning like the altar, rewriting sacred scriptures, so we could be together. Magic. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Mathieu Zadrowski, je rappelle que vous êtes chercheur associé au CESDIP, le Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales. On va parler de l'IGPN quand même, parce que sans l'IGPN, il n'y a pas d'enquête sur ce que font les policiers. Je crois qu'ils les appellent les bœufs carottes, c'est ça? C'est ça, oui, c'est le surnom historique. Bon, dans cette affaire, dans ces affaires-là, l'IGPN efficace? Bon, alors sur cette affaire-là, ils ont fait leur travail, puisque il y a eu des écoutes, des auditions, il y a un dossier qui semble solide. Alors après, l'IGPN est souvent critiqué. Alors là encore, c'est quelque chose que vous avez cité dans votre partie tout à la fin, donc de votre récit, où vous parliez du nombre relativement faible de procédures disciplinaires, qui aboutissaient. Donc l'IGPN est souvent critiqué pour son manque de diligence ou son manque d'insistance sur certaines enquêtes. Étant entendu, il faut le préciser que l'IGPN ne prononce pas de sanction. L'IGPN investigue, ensuite c'est l'autorité hiérarchique qui prononce la sanction. Il faut... alors, l'IGPN est également critiqué, et en tout cas, on va dire, on lui reproche le fait que ce soit des policiers qui enquêtent sur d'autres policiers, et donc l'idée est répandue selon laquelle cette institution manquerait un tout petit peu de distance par rapport aux investigations qu'elle-même. Il faut quand même dire, à la décharge de l'inspection, qu'il n'y a que 300 agents pour une institution qui compte 145 000 membres. Donc il y a un volume de travail qui est potentiellement très très important pour des effectifs qui sont très limités, en sachant que 70% de ces 300 agents sont des policiers. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a 30% ce sont des personnels administratifs qui ne mènent pas d'enquête, qui sont pas en mesure en fait de mener des investigations. Donc faut aussi rappeler ce point-là qui est important. Alors, ces problèmes dans les banlieues, par exemple, pas que dans les banlieues, on l'a vu avec les gilets jaunes, c'est en centre-ville, mais dans la vie quotidienne, dans les banlieues, les quartiers qu'on ne sait pas exactement nommer, on n'a pas trouvé le mot qui va pour un urbanisme erratique. Il y a une police dite de proximité qui était mise en place par le gouvernement Jospin et qui a été abrogée en 2002. Je me souviens, on se souvient de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui dit aux policiers, mais vous n'êtes pas là pour faire les moniteurs de colonies de vacances. Voilà, vous êtes là pour assurer l'ordre et la répression. Pourtant, la police de proximité, me semble-t-il, avait commencé à, au bout de 5 ans, 4 ans, à porter ses fruits. C'était une bonne méthode. C'était l'historique de cette méthode. Bon, l'historique, c'est que c'est la réforme emblématique en matière de sécurité de la gauche plurielle qui arrive au pouvoir en 1997 et qui consiste en fait un petit peu à rendre les policiers plus polyvalents, à ne pas faire que de la répression et de l'intervention, mais également de la résolution de problèmes, du contact avec la population. Donc, mais en réalité, cette réforme, elle était dans les cartons déjà au milieu des années 90, et la droite n'était pas du tout hostile au concept, puisque la première fois que le terme de police de proximité apparaît dans un texte officiel de la République française, c'est la loi d'orientation et de programmation de la sécurité de 1995, appelée également loi Pasqua. Et donc, à ce moment-là, l'idée qu'il faille passer à une police plus focalisée sur la sécurité quotidienne que sur l'ordre public et la protection de l'État était relativement répandue à travers, je dirais, les partis de gouvernement. Néanmoins, vous venez de le dire, en 2002, quand la droite revient au pouvoir, la campagne s'est en fait sur les questions de sécurité, et la police de proximité ayant été considérée comme un échec du point de vue de la baisse de la délinquance, et sinon, on va faire complètement l'inverse. Plus dans le vent de l'histoire, quoi. Elle était plus dans le vent de l'histoire. Alors ensuite, la police de proximité, vous disiez, elle était plutôt performante. Enfin, je sais plus quel terme vous avez utilisé. Elle a porté ses fruits. Alors, c'est vrai que sur les quelques zones où des évaluations ont été menées, l'image de la police s'est améliorée, la confiance envers la police s'est améliorée. Néanmoins, on était sur une réforme structurelle qui aurait nécessité en fait une décennie d'efforts continus, parce que c'est toute une culture professionnelle qu'il faut changer, qu'il faut faire infuser au sein de la police nationale, qui, comme je viens de le dire, compte plus de 140 000 agents. Et c'est pas quelque chose qui a été un petit peu mené de manière précipitée, d'ailleurs. Ça a été reproché au gouvernement d'avoir fait ça un petit peu trop vite. Toute dernière chose, et rapidement, Libération a publié un article ce matin, après avoir rencontré 5 policiers se disant victimes d'un acharnement de la part de leurs supérieurs. Tous ont pour point commun d'avoir dénoncé des dysfonctionnements, s'attirant ainsi les foudres de leurs collègues, tant d'ailleurs de leurs collègues que de l'institution. Le danger, c'est de voir une police recroquevillée sur elle-même, alors qu'elle doit être en immersion totale dans la société. Absolument. Les points de vue extérieurs ne sont pas forcément nocifs, et c'est pas parce qu'on critique la police de l'extérieur qu'on la déteste. Personnellement, je n'ai aucune détestation de la police. Je la critique de manière constructive, de manière régulière. Je dis aussi régulièrement que c'est un métier difficile. Mais le souci, c'est que on est un petit peu entré dans une culture, on est un peu dans une culture policière en France où finalement, encore une fois, on fait bloc contre l'adversité. On considère que les points de vue extérieurs ont tendance à nuire à l'institution, alors que c'est tout le contraire. Bien, merci infiniment. Ce sera le mot de la fin, Mathieu Zarowski. Merci d'être venu jusqu'à nous pour merci apporter à vous. Votre expertise. Au revoir. C'était un plaisir. Au revoir. C'est Affaires Sensibles aujourd'hui, les violences policières, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Michel Bézikian.